En Corée du Sud, d'après la radio CBS datée du 24 mai, les inspecteurs de l'enseignement des 13 villes et provinces sud-coréennes ont publié une déclaration contre les mesures de répression injustes par les autorités des membres noyaux du syndicat national des enseignants.